13h07 à Bujumbura et sur Isanganiro. Le recensement général de la population et de l'habitat, celui de l'agriculture et élevage, couvrant la période de 2015 à 2024, sera numérisé. C'est le directeur général de l'Istebou et secrétaire du Comité national d'orientation générale qui l'a annoncé après la cinquième réunion organisée ce mardi par ce comité. Il ajoute que le Burundi réalisera ce recensement en août et septembre 2023 avec un budget de 75 milliards de francs burundais. Ce comité recommande au bureau central du recensement d'actualiser le calendrier afin qu'il soit rendu public. On écoute Nicolas Ndayishimiye, c'est le directeur général de l'Istebou. Le Comité national d'orientation du recensement a noté ce qui suit. Le recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage au Burundi, couplant le recensement général de la population et de l'habitat au recensement général de l'agriculture et de l'élevage. Le recensement général qui sera conduit, recommandé par les Nations Unies et couvrira la période de 2015 à 2024 sera numérisé contrairement aux trois derniers recensements que le Burundi a déjà organisés qui étaient analogiques. Le couplage de ces recensements a été recommandé et adopté par le gouvernement du Burundi dans le cadre de la mutualisation de ces deux opérations statistiques qui sont complémentaires. Le comité national porte à la connaissance de la population burundaise et de la communauté internationale que le Burundi réalisera le dénombrement principal de son recensement général en août et septembre 2023. Le Comité national d'orientation du recensement s'engage à soutenir le bureau central du recensement afin qu'il soit en mesure de réaliser et de conduire techniquement le recensement en mettant à sa disposition les moyens financiers nécessaires et toute l'expertise technique indispensable. Le Sénat demande à la population burundaise d'adhérer massivement sans que personne ne soit laissé de côté au recensement général afin de permettre au gouvernement et à ses partenaires de disposer des informations statistiques exhaustives pour les bonnes prises de décision en matière de conception, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation des politiques et programmes de développement du Burundi. Le Sénat recommande au bureau central du recensement de travailler avec le conseil technique principal pour l'actualisation du calendrier de toutes les étapes et phases du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture, afin qu'il soit rendu public et suivi. Nicolas Ndayishimiye, directeur général de l'Istebou et secrétaire du Comité national du recensement. Autour de 7 milliards de francs burundais ont été collectés par l'Office burundais des recettes comme redevance routière annuelle en 2021. Jean-Claude Manirakiza, commissaire général de cet office, ajoute que les redevances routières de 2022 seront communiquées dès que possible. Quant au programme de collecte de toutes les recettes par cet office, il espère qu'il sera effectif en 2023 car, note-t-il, les étapes préliminaires avancent bien. Les informations m'ont fourni, c'est qu'en 2021, c'était autour de 7 milliards, 6 milliards 900. Juste pour 2022, les chiffres ne sont pas encore disponibles. On vous les fournira, le service est en charge de la communication. On devait vous être toujours approché pour fournir des informations en temps réel. Par rapport à la décision de son Excellence, le président de la République du Burundi, qui avait pris la décision que toutes les recettes de l'État devait être collecté par l'Office burundais des recettes. L'étape n'est pas encore franchie parce que la décision a été prise presque quelques semaines avant l'exécution de la loi budgétaire 2022-2023. Avec toutes les étapes qui doivent suivre, parce qu'il ne suffit pas de collecter, il faut aussi dépenser. On est déjà au début par l'exécution du budget programme, mais l'étape est continuellement mise en application. Je crois qu'elle sera presque effective en 2023. Pour le moment, on a fait des étapes préliminaires pour réfléchir sur les autres effets qui seront créés ou générés par cette application de la collecte de toutes les recettes par l'OBR. À ce moment également, on n'était pas prêt. Parce que si on doit collecter des fonds dans toutes les communes, on doit mettre à jour notre domaine logistique et ressources humaines. On s'y met en fonction des orientations de la haute autorité. Jean-Claude Manirakiza, commissaire général de l'OBR, qui a également annoncé que plus de 380 milliards de francs burundais ont été collectés par l'OBR durant le premier trimestre de l'exercice 2022-2023, contre près de 330 milliards au cours de l'exercice 2021-2022. C'était dans un point de presse tenu pour le lancement des préparatifs de la journée dédiée aux contribuables édition 2022 qui aura lieu le 6 décembre 2022. Une journée qui se focalisera sur la sensibilisation sur le bien fondé de payer les taxes et impôts, a-t-il dit. Une femme qui habitait la colline Mutambara en commune Provence Rumonge a été tuée à coups de poignard la nuit de ce mardi à mercredi. Son mari, présumé auteur de ce crime, a été immédiatement arrêté et conduit au cachot du commissariat communal de Rumonge, selon le chef collinaire de Mutambara, appelant du coup sa population à se confier aux instances compétentes en cas de différend. Jean-Pierre Misago. Les informations obtenues de certains des habitants de Mutambara, confirmées par le chef collinaire, indiquent que des cris d'alerte ont été entendus chez Kabushema et Havyarimana Ernest vers 19h de ce mardi. Un jeune homme accouru pour intervention a été la cible de Kabushema et sa femme en a profité pour se réfugier dans le voisinage, selon Sylvain Kachindi, chef collinaire de Mutambara. C'est dans son ménage du voisin où Kabushemeye Habyarimana a rattrapé sa femme à l'absence du chef de ménage et l'a mortellement blessé à coups de poignard. La victime rendra son âme lors de son évacuation vers l'hôpital public de Rumonge, selon des témoins à Mutambara. Le comité mixte de sécurité à Mutambara a réussi à mettre la main sur Kabushemeye dans la fraîcheur des faits et a été conduit au cachot de la police judiciaire de Rumonge, selon le chef collinaire de Mutambara, qui demande à la justice de réprimer ce crime et à sa population d'éviter de se faire justice. La cohabitation entre ces deux parents de 8 enfants n'était pas des bonnes. Le mari accusant la femme de relations extra-conjugales, des tentatives à l'église et à l'administration collinaire pour vider le différend n'ayant pas abouti, selon le chef collinaire de Mutambara. Ce dossier est déjà dans les mains du parquet de Rumonge depuis l'avant-midi de ce mercredi, selon certains de ceux qui le suivent de près. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Du sport, avant la chronique sur les messages de haine, la formation de basketball Runani qui a représenté le Burundi dans les compétitions africaines, Elite 16 qui se déroule en Afrique du Sud, a remporté hier son premier match sur un score de 72-43. Face à la formation kenyane, Kenya Port Authority, Runani va jouer son second match aujourd'hui à 14h, c'est tout à l'heure, contre NBA Academy Africa du Sénégal. Aaron Kagawa, entraîneur adjoint de Runani, fait savoir que les joueurs de cette équipe se sont bien préparés pour remporter cette compétition. Et pour être un peu plus complet sur le sport en international, dans les matchs de la Coupe du Monde de football qui se déroule au Qatar, la France, tenant du titre, a battu hier l'Australie par 4-1. Au moment où l'Argentine s'est inclinée par 2-1 face à l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, 4 rencontres sont au rendez-vous et le match le plus attendu par les amateurs du ballon rond va opposer la formation espagnole et le Canada à 18h, heure de Bujumbura. Parle, rassure-moi. Il est dangereux de dispenser des enseignements à la jeunesse qui rendent antagonistes les autres. C'est du moins ce que nous dit Aloïse Batungwanayo. Il est chercheur en justice transitionnelle, les traitements du passé. Il est en même temps commissaire à la commission Vérité et Réconciliation. D'après lui, si les jeunes apprennent dès leur enfance que celui de l'autre groupe est mauvais, il devient facile de les entraîner dans des violences croyant défendre leur groupe. Aloïse Watungwanayo conseille surtout aux responsables politiques d'éduquer leurs jeunes en se basant plutôt sur des projets de société. Francine Ndéokoubgaï. L'éducation de l'enfant commence dès le bas âge. Les enseignements passent par la famille ou par d'autres groupes sociaux et politiques. Le chercheur historien Aloïse Batungwanayo indique que si ces derniers sont orientés vers des divisions qui montent les uns contre les autres, chacun va chercher à défendre son groupe. Ça commence par montrer les différences, c'est-à-dire l'autre et moi, l'autre méchant et moi bon.